Que ce soit pour le démarrage, l'acquisition ou le développement de votre entreprise, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour vous aider à valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer à ce financement dans certains cas. Contactez-nous au 276-0405 ou encore via le www.sadcmaria.qc.ca. La SADC vous rappelle l'importance de soutenir nos entreprises locales. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va continuer de parler de Patrice Lheureux. Hier, on devait parler, on devait faire une table ronde avec Bernard Barré et David Cadieux. J'ai pas été capable de rejoindre David Cadieux à temps pour la table ronde, mais on lui parle aujourd'hui, évidemment, pour réagir au décès de Patrice Lheureux. Pourquoi que j'appelle David Cadieux? Parce que les gens qui se rappellent pas, au milieu des années 2000, lui et Patrice Lheureux ont livré deux furieux combats. Ça avait fait pas mal le tour du Québec. On parle avec David Cadieux. Salut David! Bonjour David! David, évidemment, t'as appris le décès de Patrice Lheureux, 46 ans. J'ai voulu t'appeler parce qu'évidemment, c'était un beau duel local, comme on dit. Comment t'as réagi quand t'as su la mort de Patrice? Ben, j'étais sous le choc. En fait, quand on apprend, au début, j'étais même pas sûr que c'était Patrice Lheureux qui était décédé parce qu'on m'a annoncé sur les réseaux sociaux, là, c'est la modernité. Mmh. On m'a annoncé que quelqu'un dans mon entourage était mort, mais sympathie, que c'est ça. Et puis, rapidement, j'ai appris que c'était peut-être Patrice. Puis, 15-20 minutes plus tard, là, ça s'emballe vite, les réseaux sociaux. Là, ben, c'était les médias qui embarquaient avec des confirmations. Et puis, ça me fait une bonne douleur. Hein. C'est une perte. Patrice était devenu un ami. Puis, un bon Jack, un homme... Un entrepreneur, un athlète de niveau quand même, il a été à un niveau international et puis professionnel. J'ai boxé contre lui deux fois chez les professionnels, puis ça m'a fait un choc. Et évidemment, pour les gens qui s'en rappellent pas ou qui sont des amateurs de boxe depuis peu, vos combats, ça avait passionné. Hein? Vos deux combats, c'était Trois-Rivières contre Shawinigan, ça avait fait parler beaucoup à l'époque, là. Absolument. Moi, je suis originaire de Trois-Rivières. Je suis un Mauricien dans l'âme. Patrice Lheureux, quasiment encore plus. Il était, lui, de Shawinigan. Donc, c'était la grande rivalité, Trois-Rivières contre Shawinigan. Quand on était chez les amateurs, Danny, moi, j'étais champion du Québec et Patrice Lheureux est devenu, à un moment donné, champion canadien. Dans les années 98-99, puis on s'est affronté à 9 reprises chez les amateurs là, en boxe olympique. Puis Patrice l'a emporté. Moi, j'étais plus axé sur la technique, Patrice sur le cœur et le courage, comme style de boxeur, là, c'est pour résumer. Mais il l'a emporté chez les amateurs 5-4. Puis okay. Chez les professionnels, ben là, j'étais peut-être un athlète différent, là, mais je l'ai battu deux fois, mais ça a été éprouvant à chaque fois. Puis ça a tout le temps été un fier compétiteur, ce Patrice-là, mais autant dans le ring qu'en dehors du ring. OK. Puis ouais. Okay. C'est drôle à dire parce que, je te laisse parler, je te laisse poser des questions. Oui, David, je posais la question à Bernard Barré. Ce gars-là a quand même fait une belle carrière avec ce qu'il y avait de potentiel, là, parce que, tu sais, on dit tout le temps son style, c'était pas élégant. Par contre, il s'est battu comme Povetkin. En Allemagne, oui. Il est devenu premier champion canadien depuis Robert Cléroux. Ce gars-là avait pas un super potentiel, mais par contre, s'il est rendu pas mal à la limite de ce qu'il pouvait faire. Hein. Patrice Lheureux, là, il était à 6-5, 266 livres. Quand je boxais contre, là, ou quand il compétitionnait en fait, dans son meilleur temps là, en boxe olympique, dans l'équipe canadienne ou chez les professionnels quelques années plus tard. Il a quand même affronté là, un Cubain, là, Alexis Rubalcaba. Je me souviens de ce combat-là au Jeu panaméricain, je pense en 99. Puis évidemment, il s'est fait battre, mais il a tenu son bout. Après ça, tu mentionnais Alexander Povetkin, mais c'était ça chez les professionnels. Mais ouais. Povetkin avait remporté l'or, la médaille d'or aux Jeux olympiques de 2004. Mm. Fait qu'il a quand même compétitionné contre des athlètes de très haut niveau. Puis il s'est fait battre, mais il s'est pas fait maganer. Ou, tu sais, c'est un boxeur qui réussit à tirer son épingle du jeu. Puis pour ça, moi, j'y avais tout mon respect. Puis c'était, comme je, là, je remets l'accent là-dessus, mais c'était aussi un homme, un individu équilibré, puis en dehors du ring, il faisait la job aussi, c'était un bon Jack, puis t'es impliqué dans sa communauté. Okay. Mais pour ça, moi, c'est drôle, c'est pas la dire, Danny, mais c'était un rival ou un adversaire, puis en même temps, quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Okay. Tu sais, quand t'as un adversaire que tu testes ben jusqu'au bout, là, ben, à un moment donné, tu viens qu'à l'apprendre. Ben, c'est ça, mais dans le temps, tu l'as dit, mais David, on était rendu des amis, mais dans le temps, est-ce que vous étiez des amis, même durant au plus fort de la rivalité qu'a Dieu contre l'heureux? Aucun nom, on était on était des adversaires, c'est sûr que là, l'émotion, l'adrénaline, puis c'est même la testostérone, mais l'orgueil plutôt, là. Mais on n'était pas des amis dans le temps de la compétition, mais tout le temps avec un certain, il y avait tout le temps un certain respect quand même, ou une certaine admiration pour ce que l'autre fait. Okay. Moi, Patrice Lheureux a été champion canadien chez les professionnels avant moi. Mm-hmm. En fait, il m'a donné ma chance dans le ring professionnel, là, où j'ai pu le challenger, puis on boxait les deux pour Groupe Yvon Michel. Alors, Bernard Barré était au courant, il était aussi là dans l'organisation. Ça a fait tout un hype, là, ou tout un événement. Ça a été un événement qui a monté, qui a culminé avec le combat pour le championnat canadien en mai 2006. Ah, et là, on a rempli l'aréna, l'ancienne aréna des Cataractes de Shawinigan, là. Mm. On l'a rempli à pleine capacité pour la boxe. Ah, ce soir-là, puis ça a été un succès. Oui. C'est clair, parce que, écoute, Simon Keane est populaire en Mauricie, j'imagine que ce duel-là faisait parler, parce que la Mauricie, à quelque part, il y a quand même eu une belle tradition de boxe en Mauricie, là. Oui, ben, chez les poids lourds, puis aussi chez les autres, dans les autres catégories, là, il y a une belle tradition de boxe, effectivement. Le petit Michael Zou, ben, le grand Michael Zou. Oui, c'est vrai. Il y en a plein d'autres aussi, là, les anciens boxeurs olympiques aussi, boxeurs et boxeuses, hein, une tradition de boxe féminine aussi de plus en plus. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu le voyais encore de temps à autre? Patrice, je le rencontrais peut-être une fois par mois, trois ou quatre fois par année là, dans les événements de boxe, mais une fois par mois aussi, on habite la même ville, là, Shawinigan. Okay. Alors, c'est un concours de circonstances, mais je le rencontrais souvent, là. C'était un gars qui était assez présent, ça fait qu'on se rencontrait souvent, puis tout le temps une bonne poignée de main franche, puis une bonne tape dans le dos sur l'épaule, mais amicalement. Oui, c'est clair. Ouais. David, tu fais quoi aujourd'hui maintenant? Moi, je travaille comme gestionnaire là, à la ville de Louisville. OK. Et dans le sport, loisirs, sport et culture. Puis, je te dirais, j'ai rencontré Patrice cet été là, au combat de Simon Keane en juillet là, à l'Arena au centre. Auto à Shawinigan pour le combat de Simon Keane. Puis on était les deux des heureux retraités de la boxe. Ah lui, oui. Lui travaillait dans l'entreprise familiale, là, Granite Mag. Moi, je travaille encore comme gestionnaire, là. Bon, j'ai fait mes études. Quand j'ai raccroché les gants, j'ai terminé mes études, baccalauréat, etc. Puis maintenant, je suis heureux retraité. On m'a déjà offert des combats là, de retour, là. Mais tu sais, quand t'es retraité, puis t'es bien. La boxe est un beau sport, mais tellement intense que. Je souhaite à tous les athlètes qui veulent le vivre de le vivre, mais il faut savoir s'arrêter aussi, je pense. OK. Donc, David, on va te souhaiter la meilleure des chances, évidemment. Mais, je ne peux pas dire mes sympathies parce que c'était pas un proche-proche, mais quand même un gars qui avait beaucoup, beaucoup de respect. Oui, puis on peut offrir nos sympathies là, à toute la famille et aux amis de Patrice. Là, c'est très triste. 46 ans seulement. Un gros merci, puis on s'en parle peut-être un autre tantôt. Merci, au revoir, Denis. Voilà, David Cadieu qui a livré deux combats contre Patrice Lheureux.